بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا لقونا هذه الليلة مباركة مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، فهو يجيب إلى أسئلتنا جزاه الله خير، فليتفضل مشكورا. السؤال الأول: امرأة التي تعاني مشاكل عدة في الأسرة غير مستقيمة، بل الوالدان يحاربونها بشتى الوسائل ويمنعانها بالزواج مع الملتزم أو المستقيم، فهي تسأل: هل يجوز لها أن تأخذ وليا غير والديها أو والدها، ومن يتولى الأمر إذا كان الأمر كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما دامت هذه المرأة تعاني مشاكل في أسرتها وأسرتها غير مستقيمة على طاعة الله ويمنعونها من الزواج بالرجل المستقيم على التدين الصحيح، فلها أن تولي رجلا من المسلمين في هذا المجال في النكاح. فإذا تزوجت الكفر ذا الخلق والدين وكان عندها مال، فلها أن توليه على مالها، والله الموفق. Donc la question est: une femme qui donc a beaucoup de problèmes dans sa famille, qui n'est pas bien sûr moustakhima, donc qui n'est pas dans la religion, voire même que les parents l'attaquent de plusieurs façons, donc lui font du cause du tort de plusieurs façons. Elle interdit de se marier avec quelqu'un qui est multazim. Donc la question est: est-ce qu'elle peut donc se prendre autre que son père comme tuteur? Et si oui, donc comment, qui est le tuteur? Donc je réponds que tant que, donc si le cas est comme cela et que cette fille, tant que cette fille retrouve des problèmes dans cette famille qui n'est pas dans la religion, dans le dîn, et qui n'est pas moustakhim, et qui l'interdise, donc elle peut avoir comme tuteur quelqu'un qui est musulman et qu'elle se marie donc avec quelqu'un qui sera dans la religion, qu'elle prenne donc un mari qui est dans la religion. Donc elle peut prendre donc le tuteur qui est musulman et se marier bien sûr avec quelqu'un qui est pieux. نعم. السؤال الثاني: امرأة لها ديون في البنك ولم تعمل، هل على والديها الدفع لهذه الديون أو ماذا؟ فهمت من السؤال أن هذه المرأة لها أموال في لها عليها ديون في البنك، عليها هي عليها ديون في البنك. أقول فهمنا من السؤال أن هذه المرأة عليها ديون من قبل البنك استدانتها، فالمسؤول هي وحدها عن سداد الديون وليس على والديها شيء، بل أرى أنها لا يسدد عنها والدها من ديونها شيئا، لأنها أخطأت حين استدانت من البنك ديونا ولم تكن تعمل. نعم. Cette femme, donc il y a une femme qui a des dettes envers une banque et cette femme ne travaille pas. Est-ce que ses parents doivent payer les dettes pour elle ou pas? Donc la réponse est, c'est la femme qui a des dettes envers la banque, donc elle est la seule responsable de cet acte et elle doit elle-même régler cette dette. Et ce n'est pas son père. Et il ne paye pas, il ne doit rien payer car c'est elle qui a commis cette erreur de faire cela alors qu'elle ne travaille pas. Soit le thalith, هل يجوز لوالدي أن يمنعاني صحبة أخوات مستقيمة؟ يا بنتي يمكنك أن تصاحبي أخواتك المستقيمات في المسجد وعبر الهاتف تتصلين بهن ويتصلن بك، ولكن لا يجوز لك أن تضيعي خدمة الوالدين، ولا يجوز لك أن تتنقلي بين الأحياء أو بين المدن بحجة مصاحبة أخواتك المستقيمات. ويظهر أن هذه السائلة وفقها الله في بلاد كافرة، ومن هنا يتأكد عليها ألا تخرج من البيت إلا إلى المسجد أو العمل إن كانت عاملة، ونحن لا نجيز العمل للمرأة لا سيما في بلاد الكفر إلا عند الضرورة. والمقصود يا بنتي أنك تسددين وتقاربين وتحرصين على خدمة والديك ولا تضيعي حقهما. نعم. La question est, est-ce que mes parents peuvent m'interdire d'avoir comme amis des sœurs mustaqima, donc des sœurs qui sont pieuses? La réponse est, oh ma fille, donc tu peux avoir comme amis des sœurs pieuses, mustaqima, à la mosquée. Les appeler au téléphone, elles t'appellent, tu les appelles. Mais il t'est interdit d'oublier l'aide ou de perdre l'aide des parents. Il t'est aussi interdit de voyager à travers les quartiers et les villes pour aller les visiter, pour aller les voir. Et il me paraît que cette question, bien sûr, vient donc d'une personne qui vit dans un pays qui est non musulman. Et là, on lui dira de ne pas sortir, sauf pour la mosquée ou le travail. Même si, à l'origine, on interdit le travail, sauf en cas de nécessité. Et le vouloir dire de cela, c'est d'être proche des parents, d'aider les parents et de ne pas perdre leurs droits. السؤال الرابع، هل من السنة القول برب اغفر لي بعد الخروج من المرحاض؟ وما الحكمة من ذلك؟ صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وأظن أن الحكمة هي استشعار فضل الله سبحانه وتعالى الذي أخرج من الإنسان الفضلة وأخرج منه القدر من بول أو غائط، فكان في وكان حال قضاء حاجته ممنوعا من ذكر الله، لأنه يجب تنزيه ذكر الله عن الأماكن القذرة مثل المراحيض. فلما خرج استغفر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. La question est, est-ce que le fait de dire Rabbi Ghfirli lorsqu'on sort des toilettes fait partie de la sunna, et quelle est la sagesse pour cela? Donc la réponse est, il est authentifié par le récit de Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait des toilettes, disait Rufranaka. Et la sagesse, c'est pour ressentir le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait sortir de l'homme le surplus, l'impureté, l'urine ou l'excrément. Et dans ce moment, donc il lui est interdit d'évoquer Allah Azza wa Jal, et on exempte, donc on va exempter Allah subhanahu wa ta'ala des évocations dans les lieux malsains, et aussi du fait de s'être débarrassé de ce qui est impur. Aswal al-Khamis, hal yursal, ou hal tursal al-aniya, allati udiha fiha al-lahm al-khanzir, بالطريقة التي ترسل ترسل لما ولع فيها الكلب لما نعم ولغ فيها الكلب. الخنزير نجس، وهذا باتفاق أهل العلم، ولحمه محرم ونجس. فالله حينما حرم لحم الخنزير قال فإنه رجس، يعني نجس، وهذا يوجب غسل الآنية التي كان فيها لحم خنزير، ولكن لا يجب سبع غسلات، فغسلة واحدة كافية. وإن لم تزل النجاسة بأن بقي لون أو ريح فاثنتان أو ثلاث، والمقصود أنه لا يساوي نجاسة الخنزير، لا تساوي نجاسة الخنزير لعاب الكلب، بل منها الإناء سبع غسلات، وإنما يغسل حتى تزول منه النجاسة. نعم. La question est, est-ce qu'on lave le récipient où il a été posé de la viande de porc de la même façon qu'on lave un récipient où le chien y a laissé sa bave? La réponse est, le porc est impur. Et il y a consensus pour dire que sa viande est illicite, est impure. Allah dit, car c'est impur. Et il est obligatoire de laver le récipient, donc qui est où on a posé dessus de la viande de porc. Mais pas cette fois, une fois suffit. Et s'il y a encore de la couleur ou de l'odeur, on le lave deux ou trois fois. Donc le but, c'est de dire que son impureté n'est pas du niveau de la bave du chien, où là, il est demandé de laver sept fois. Mais on va laver donc ce récipient qui a été touché par le porc jusqu'à ce que ce récipient devienne pur. Sual sadis. Sharsun tazawwaja fi baladihi al-muslim wa huwa sakinun fi Fransa. Ishtaratu anna az-zawja أو أن زوجة تلحق به في فرنسا مدة معينة حتى يهاجر من فرنسا ولكن الآن ترفض ذلك وتطلب منه أن يأتي هو إلى هذا البلد المسلم وهو لا يستطيع ذلك لعدم التوفر لديه المال والآن لا يدري مدى عليه. شخص تزوج في بلد مسلم وهو ساكن في فرنسا اشترط في الأول أن الزوجة تلحق به في فرنسا مدة معينة حتى يهاجر في سبيل يهاجر إلى البلد المسلم هذا ولكن الآن هي باقية في هذا البلد المسلم وترفض أن تذهب إلى فرنسا وتطلب منه أن يأتي هو إلى هذا البلد المسلم وهو يقول بأنه لا يستطيع لذلك لعدم توفر المال فماذا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفهمت من السؤال أن المرأة تلحق بزوجها بفرنسا بشرط أن يهاجر إلى بلد مسلم، فهنا السؤال هنا، هل ذهبت المرأة معه إلى فرنسا أو لا؟ إذن ما دامت المرأة قد بقيت في البلد فيجب عليها أن تلحق بزوجها وقتا وتمهله حتى يجمع مالا يستطيع به الهجرة إلى بلد مسلم. وبهذا تعلمون أن تلك المرأة أصلحها الله أخطأت على زوجها وأخلت بواجبها، أخطأت على زوجها وأخلت بواجبها نحوه، وكان الواجب عليها أن تذهب معه وتحسن عشرته وتتعاون معه بحسن الخلق وعلى توفير المال حتى يتمكن من الهجرة إلى بلد مسلم. وأما ما دامت أنها أصرت على بقائها عند أهلها فحقها يسقط، وعليه أن يأتيها حسب استطاعته وليس لها أن تطالبه بالمجيء في أوقات تحددها هي، بل هذا راجع إلى استطاعته، فإن كان قادرا على أن يأتيها في الشهر أياما فعل ذلك، وإلا فلا يلزمه لها شيء فوق طاقته. نعم. Une personne s'est mariée dans son pays respectif musulman, mais lui vit en France. Elles ont donné comme condition que le mari, que l'épouse va rejoindre son mari en France à un moment donné, donc à une période bien déterminée, jusqu'à ce qu'il puisse faire la hijra et partir de France. Mais simplement, actuellement, donc l'épouse refuse de partir en France et elle demande à lui de venir dans ce pays musulman. Et lui dit qu'il n'a pas les moyens qu'il n'a pas les moyens et il espère d'abord ramasser de l'argent avant de pouvoir repartir. Alors que, quelle est donc la parole de Shir par rapport à cela? Donc il dit le Shir comme réponse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les conditions les plus en droit, c'est ce dont vous avez rendu, donc licite pour les sexes. Et donc il s'est marié à condition de venir en France. Et elle doit venir et attendre jusqu'à ce qu'il rassemble de l'argent afin de pouvoir faire cette hijra. Et cette femme a commis une erreur envers son mari. Elle a délaissé une obligation. Donc elle doit donc partir avec lui. Elle doit partir avec lui, rester avec, adopter un bon comportement avec, jusqu'à ce qu'il puisse partir dans ce pays muslim, une fois qu'ils ont rassemblé de l'argent. Et si elle persiste de rester avec ses parents, qu'elle sache que son droit est tombé. Donc elle n'aura plus le droit réel de l'épouse. Donc le droit réel de l'épouse. Et à ce moment-là, elle peut lui demander de venir comme elle choisit elle. Mais lui viendra selon ses moyens. Elle viendra selon ses moyens. Et elle devra bien sûr accepter cela. Soit le sabir. Hal yajouz i'ta al-zakat لشخص لا يصلي. اعلموا بارك الله فيكم أن الزكاة هي حق الفقراء والمساكين من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن، فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني بالصلاة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن لا يصلي البتة، من كان تاركا للصلاة ولا يصلي فهذا كافر وليس له حق في الزكاة ولا غيرها. نعم. La question numéro 7 est, est-ce que je peux donner la zakat, l'aumône légale, à celui qui ne prie pas? La réponse est, l'aumône légale, est le droit des pauvres musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, s'ils t'obéissent, c'est-à-dire pour la prière, apprends-leur donc qu'Allah leur a ordonné l'aumône prise des riches pour la donner aux pauvres. Et celui qui ne prie pas du tout est un mécréant et n'a aucun droit dans la zakat ni autre. والثامن انفصلت عن زوجي قبل 4 سنين وهو أراد أن يطلقني وقال لي مرارا أنت طالق مدى 4 سنين وأنا أطلب منه أن يطلقني عند الجهات الحكومية ولكن زوجي يرفض ذلك لكي لا تزوج من جديد والجهة المسؤولة تطلب مني منه الحضور وهو لا يريد أو يطلبون مني مالا بالغا حتى أكون مطلقة من جهة الحكومة وأنا لا أستطيع دفع هذا المبلغ فكلما يأتي شخص يخطبني أرفض ذلك ولكن أريد الزواج فماذا علي؟ الواجب عليك يا بنتي أن يكون عندك بينة شهود على أنه طلقك لأن قولك للقاضي الشرعي إن زوجك طلقك لا يحكم به القاضي إلا ببينة بشهود يشهدون على أنه طلقك أو اعترافه فما دمت رفعت أمرك إلى الجهة المختصة فإنه يجب عليهم أن يحضروه بالقوة حتى يسمعوا منه فإن أقر وقع الطلاق وإن أنكر طلبت منك البينة فإن عدمت البينة منك وجه القاضي إليه يمينا وأمرك ليس واضحا لدي تماما ولكن نصيحتي لك أن يذهب وليك إلى الجهة المسؤولة ويراجعهم كثيرا حتى يحضر الرجل بالقوة وإن دفعت المال لهم وكتبوا صكا شرعيا بتطليقك فهذا لا يكفي لأن القاضي لا يملك ذلك لكن إن كان هذا المال يقصد به إحضار الرجل بالقوة لسماع ما عنده في المسألة فادفعيه إذا استطعت والخلاصة أن دفع المال الذي يطلبونه منك له حالتان إحداهما من أجل الطلاق فهذا لا يملكه القاضي والثاني من أجل إحضار الرجل الحالة الثانية من أجل إحضار الرجل بالقوة فادفعي هذا المال استعيني بأوليائك وبأقاربك وإن كنت فقيرة ساغ لك ذلك لأنك من أهل الزكاة والله أعلم. Je me suis séparé. Je me suis séparé de mon mari depuis 4 ans. Et je demande qu'il me... Donc il me disait plusieurs fois, je te divorce, je te divorce. Et il y a 4 ans qui sont déjà passés, et je demande toujours de lui de me divorcer. Donc c'est au consulat marocain. Mais simplement, il refuse cela, afin de me causer tort. Et je voudrais, bien sûr, me remarier. Donc, je voudrais me remarier. Et donc, ce consulat-là refuse de me divorcer. Il demande que l'homme vienne, que mon mari vienne. Ou il demande aussi que je paye une somme importante. Je ne peux payer cette somme importante car je n'ai pas les moyens. Et à chaque fois que quelqu'un vient me demander en mariage, je refuse. Mais actuellement, je veux me marier. Donc, que dois-je faire? Donc, la réponse de Chiré, il est obligatoire que tu aies des témoins du divorce, car ta parole devant le juge n'est pas suffisante pour dire que tu es divorcé. Donc, il ne peut pas juger qu'avec des témoins de ce fait, ou que le mari lui-même vienne avouer ce divorce. Et tant que tu as été te plaindre aux autorités, donc normalement, ils doivent le convoquer obligatoirement pour l'entendre de la bouche de ce mari, comme quoi il te divorce. Donc il dit, et s'il dit non, en ce moment, donc s'il dit oui, tu es divorcé. Et s'il dit non, s'il refuse cela, devant les juges, s'il viendrait à dire que il ne veut pas te divorcer, donc à ce moment-là, c'est à toi de montrer la preuve. Sinon, c'est le juron. Sinon, il va falloir à ce moment-là passer par le juron. Et je vois que ton cas n'est pas encore assez clair par rapport à la question. Donc chez moi. Donc Chir ne voit que ce cas n'est pas encore assez clair. Donc il conseille que le tuteur aille souvent voir les autorités qui est ce consulat, jusqu'à ce que il convoque obligatoirement. Donc il aille souvent en vérité embêter, si on peut dire ça comme ça, les autorités exprès pour que justement il convoque obligatoirement ce mari, afin que tu puisses donc justement être divorcé ou quoi. Et en ce qui concerne donc l'argent, bien sûr, donc le juge n'a pas autorité dessus. Le juge n'a pas autorité dessus. Et je vois que dans le cas de l'argent, donc il peut avoir, s'il te demande de l'argent, il peut avoir donc deux solutions. C'est que pour le divorce, donc c'est la première solution qui serait cet argent, donc afin qu'il te divorce, afin qu'il te donne un papier comme quoi tu es divorcé. Et ça, c'est pas de leur droit de faire ça. Donc ce ne sera pas considéré comme un divorce. Et deuxième cas, c'est pour que l'homme, en fait, c'est pour les aider aux recherches de l'homme. Maintenant, on les paye que pour payer quelqu'un pour qu'il aille chercher la khélé. Donc, à ce moment-là, si c'était pour la recherche, en ce moment-là, c'est permis de les payer pour que, justement, ils fassent tout en sorte que le mari vienne, que soit convoqué pour cela. Et, comme je vois que tu ne fais pas partie des gens qui ont de l'argent, donc tu as le droit à la zakat. Tu as le droit, bien sûr, à la zakat. Et emploie tes proches, emploie ta famille pour qu'ils t'aident à cela. السؤال التاسع ما هي أقوال العلماء في مسألة الكلام في الحمام أو تعلق الأدعية على باب الحمام حتى يتذكرها الأولاد الذي أعلمه أنه في مذهب أحمد وغيره يمنعون ذكر الله في الحمامات، وهذا قصد تنزيه ذكر الله عن الأماكن القذرة، وهذا إذا كان باللسان. أما كون المسلم يذكر الله في قلبه فلا أعلم أحدا منع ذلك. بقي جوابكم على ما يختص بتعليق أدعية دخول الحمامات على أبواب الحمامات، والجواب أن هذا لم يكن من على من عمل الصحابة ولا أئمة التابعين، فالذي يظهر لي أنه محدث. وخير من هذا وأنفع لكم ثوابا عند الله وأنفع لأولادكم أن تحفظوهم هذه الأدعية، أدعية عند دخول الحمام، والأدعية بعد الخروج منه، فإنكم بذلكم العمل توافقون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. Question numéro 9 est: quelles sont les paroles des savants sur le sujet de la parole, de le fait de parler dans les toilettes, ou le fait d'accrocher et de coller des invocations aux portes des toilettes, c'est-à-dire les invocations lorsqu'on entre dans les toilettes, donc aux portes des toilettes, afin que les enfants les retiennent ou les lisent? Donc de ce que je sais, c'est que l'imam Ahmed, la réponse c'est que, de ce que je sais chez l'imam Ahmed et d'autres, donc c'est pour respecter le parel d'Allah et de ne pas le faire dans les toilettes. Mais dans le cœur, je ne connais pas l'interdiction dans cela, le fait de se rappeler d'Allah dans son cœur sans prononcer. Et le fait de coller les invocations dans les portes des toilettes, cela ne fait pas partie des voies des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des tabi'ines de ceux qui les ont succédé. Et je vois que c'est une innovation. Il est meilleur en récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc je te montre quelque chose qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en récompense, c'est d'enseigner à ses enfants les invocations, d'entrer et de sortir aux toilettes. Donc cela est meilleur, donc, et aussi en récompense. Et aussi, tu seras conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.